Madame Marneffe avait fini, comme on voit, par tellement fasciner le vieux beau de l'Empire qu'il croyait lui faire commettre sa première faute et lui avoir inspiré assez de passion pour lui faire oublier tous ses devoirs. Elle se disait abandonnée par l'infâme Marneffe après 3 jours de mariage et par d'épouvantables motifs. Depuis, elle était restée la plus sage des jeunes filles et très heureuse, car le mariage lui paraissait une horrible chose. De là venait sa tristesse actuelle. « S'il en était de l'amour comme du mariage, » dit-elle en pleurant, « ces coquets mensonges que débitent presque toutes les femmes dans la situation où se trouvait Valérie faisaient entrevoir au baron les roses du 7e ciel. Aussi Valérie fit-elle des façons, tandis que l'amoureuse artiste et Hortense attendaient peut-être impatiemment que la baronne eût donné sa dernière bénédiction et son dernier baiser à la jeune fille. À 7 heures du matin, le baron, au comble du bonheur, car il avait trouvé la jeune fille la plus innocente et le diable le plus consommé dans sa Valérie, revint relever monsieur et madame Hulot jeune de leur corvée. Ces danseurs et ces danseuses, presque étrangers à la maison, qui finissent par s'emparer du terrain à toutes les noces, se livraient à ces interminables dernières contredanses nommées des cotillons. Les joueurs de bouillotte étaient acharnés à leur table, le père Crevel gagnait 6 000 francs.